Merci de nous rester fidèles, chers fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal, la grande édition de la mi-journée de ce samedi 31 août 2019. Tout d'abord, les titres. La ministre de la Justice appelle les parents ayant des enfants qui sont victimes de viol de s'adresser à son ministère en cas de défaillance de leur dossier. Vous aurez les détails tout début de ce journal. Et les infirmiers ayant le niveau d'études AD doivent fréquenter l'université. Le ministre de la Santé qui le dit explique que les diplômes niveau AD ne sont pas reconnus dans la communauté est-africaine. Et les responsables des partis politiques dans la province Bujumbura demandent l'assainissement de l'espace politique. Dans une réunion avec le gouverneur de cette province ce vendredi, ces politiciens ont demandé la mise en application des recommandations issues de cette réunion. Et comme à l'accoutumée tous les samedis après ce journal, vous avez droit à la revue de la presse. Voilà pour les titres. Albert Ndouaï assure la mise en œuvre de cette édition. Moïse Missa Agota à la présentation. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Ouvrons cette édition par la page Justice. La ministre de la Justice demande aux parents de s'adresser directement au ministère de la Justice lorsque les officiers de la police judiciaire, le parquet ou les juges ont été défaillants sur les dossiers de viol des élèves dans les écoles. Dans une réunion tenue ce vendredi dans la commune Moussigati en province Boubanza avec les administratifs et le corps judiciaire, certains parents ont indiqué que les dossiers de plus d'une dizaine de filles engrossées par les éducateurs au cours de l'année scolaire précédente n'ont pas encore été traités au Ben Nyonguru. Dans la commune de Moussigati, plus de 10 élèves ont abandonné les écoles suite aux grossesses non désirées au cours de l'année scolaire précédente. Les parents se plaignent que leur dossier n'avance pas dans les instances judiciaires. L'honorable Gabriel Nisezerana, président du conseil communal de Moussigati, dit qu'il est déplorable que de tels dossiers ne soient pas traités dans l'urgence. Aimé Laurentine Kanyana, ministre de la Justice, dit que ce comportement est devenu monnaie courante non seulement dans la province de Boubanza, mais aussi dans d'autres provinces. Il demande aux parents ou à toute autre personne qui constate que de telles infractions ont été commises de s'adresser immédiatement aux instances judiciaires. En cas d'échec de ces dernières, il demande aux plaignants de saisir directement le ministère de la Justice. Dans ce cas, le ministre de la Justice indique que des sanctions seront prises contre les magistrats ou autres agents du corps judiciaire qui n'auront pas accompli leur mission correctement. Merci, Aubin Nyangour. Page politique, à présent, le Parti libéral appelle ses militants à la retenue politique pendant cette période où le Burundi achemine vers les élections générales de 2020. Lors du congrès national de ce parti ce vendredi, Marguerite Teurko-Hodza a été réélue présidente de cette formation politique. Elle dit que son parti n'a pas encore déterminé sa position s'il participera aux prochaines élections en coalition ou pas. Les détails avec Aimé Richard Nyonguru. Ce congrès national qui a rassemblé les représentants provinciaux visait la mise en place des nouveaux organes de ce parti. Marguerite Teurko-Hodza a été réélue présidente de cette formation politique pour les 4 ans à venir. Elle indique que la participation de son parti aux prochaines élections, soit en solo ou en coalition, sera déterminée par ses membres. Avant de penser à s'associer aux autres, nous allons d'abord consulter nos membres. Pas après, nous allons voir ce que nous pouvons faire. La deuxième étape consistera à consulter les autres pour voir avec qui nous convergeons afin de se coaliser avec lui. La présidente de ce parti appelle ses militants au respect des autres et à la retenue politique. Nous sommes obligés de se souder les coups pour arriver à quelque chose. Vous voulez avancer seul pour arriver à quoi? Nous sommes tous les enfants du Burundi et voilà pourquoi on ne doit pas nécessairement s'embrasser tous les jours. Il faut avoir des retenues, mais toute la vie vous devez respecter les autres. Dans la vie normale d'un être humain, c'est le respect. Plus vous respectez les autres, plus les autres vous respectent. Le comité national de ce parti est composé de 6 membres, entre autres la présidente de ce parti, le secrétaire général, le chargé du trésor de ce parti, sans oublier la chargée des questions genre au sein de ce parti. et la cohabitation des partis politiques est bonne en province de Gitega. Le gouverneur de cette province, qui l'affirme, ajoute qu'avec les cas isolés qui s'observent quelquefois, ils ne peuvent pas être taxés de mauvaise cohabitation. Venamane Rambona appelle tous les partis politiques au strict respect des lois qui les régissent dans le but d'avoir un terrain politique libre et égal. Suivez le gouverneur de la province de Gitega au téléphone avec Marie-Claire Kazeneza. Nous pouvons affirmer que la situation vraiment est normale en rapport avec la cohabitation entre les membres de différents partis politiques. Cela est sorti d'une réunion que nous avons tenue, c'était au mercredi, avec les représentants des partis politiques au niveau de la province, au niveau des communes. Sûrement qu'il y a quelques cas qui arrivent, mais que nous ne pouvons pas taxer de mauvaises cohabitations entre des partis politiques, puisqu'il y a des individus qui peuvent avoir des incompréhensions, ou bien même nous savons que quand il y a des gens qui ont pris de la bière, peuvent agir d'une façon anormale, ça a existé, même pendant les périodes qui ne sont pas très chaudes, les périodes des élections. Et je peux signaler le cas qui est arrivé au niveau de Mutaro, il en est de même, le cas qui est arrivé au niveau de Nyarusang. Nous savons que quand les élections approchent, il y a des situations qui arrivent. Avec les représentants des partis politiques, nous avons arrêté les dispositions qui vont nous aider à bien encadrer surtout les membres des partis politiques, à assainir la situation et surtout entre les représentants des partis politiques et l'administration. Nous sommes aussi très contents parce que les représentants des partis politiques au niveau de la province sont des hommes mûrs. Nous avons demandé tout simplement de rester aux côtés de les représentants. Que prévoyez-vous faire pour rendre libre le terrain à tous les partis politiques? Au niveau de la province de Gitega, le terrain est libre. Nous demandons tout simplement le respect des procédures, donc informer les activités et à tous les niveaux. Donc il faut le respect de la réglementation en vigueur. Toujours page politique, le déverrouillage de l'espace politique dans la province Bujumbura est l'une des recommandations de la réunion organisée par le gouverneur de cette province avec les responsables des partis politiques et les forces de l'ordre ce vendredi. Les responsables des partis politiques dans cette province se disent satisfaits de la réunion. Emmanuel Nheshimana, président du parti CNDD-FDD dans cette province, espère que les recommandations issues de cette réunion vont les aider à assainir le climat politique afin de mieux se préparer aux élections de 2020. Au sein du parti Congrès national pour la liberté, la satisfaction est la même. Didas Nzambimana, président de ce parti en province Bujumbura, demande que les clauses de cette réunion soient mises en application tout en espérant que de telles réunions vont diminuer les cas d'intolérance politique qui s'observent dans cette province. Et le comité provincial de sécurité accompagné des représentants des partis politiques opérant en province Rumonge vont bientôt faire une descente sur terrain dans les communes de cette province pour vérifier si l'interdiction d'ouverture de certaines permanences du CNL est conforme à la loi. Cela a été décidé ce vendredi à Rumonge lors d'une réunion d'évaluation de l'évolution politico-sécuritaire dans cette province du sud-ouest du pays, un mois après la tenue d'une réunion similaire sous la présidence du gouverneur de cette province. Après une courte pause, page santé. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les infirmiers ayant le niveau A2 vont désormais fréquenter l'université pour le renforcement de leurs capacités. Le ministre de la Santé, Tadendi Koumane, explique que l'une des motivations est que ces infirmiers sont nombreux et sans emploi. Il explique que leurs diplômes ne sont pas reconnus au niveau de la communauté est-africaine. Lors des questions orales à l'Assemblée nationale ce mardi de cette semaine, Dr Tadendi Koumane a indiqué qu'ils vont également analyser les diplômes de niveau A3 suivis. Barabonye yuko ama ecole paramédicale aba atrua naba ade ni benshi mu karere rero ka yase ubu mu infirmier nuwagize bac. Nous avons déjà remarqué que les infirmiers de niveau A2 et A3 sont très nombreux. Au niveau de la communauté est-africaine, un infirmier, c'est celui qui a le diplôme de baccalauréat passé à l'INSP. On constate également, à partir de ceux qui ont postulé, parce qu'on a leur dossier dans les logiciels, ils arrivent à peu près à 13 000 et sont des infirmiers de niveau A2 sans emploi. Les diplômés de A3, c'est vrai, on a arrêté leur formation, mais ils travaillent. On veut également qu'eux aussi renforcent leurs capacités. On y reviendra. On n'a pas oublié, mais pour les infirmiers A2, on a déjà parlé avec les responsables des écoles paramédicales, tant publiques que privées, que la formation A2 soit arrêtée pour cette année. On s'est consenti qu'ils vont chercher des spécialistes et des docteurs pour le niveau universitaire. Cela, c'est pour favoriser les infirmiers de niveau A2 à continuer leurs études et multiplier les chances de pouvoir travailler à la communauté est-africaine. Page Société, à présent, cette maison ont été totalement ou en partie dépouillées de leur toiture sur la colline Gattare de la commune Guissoze en province Mwaro vers le soir de ce vendredi. Selon les informations en provenance de cette colline, cela a été causé par une pluie intense et mêlée de vent violent qui est tombée en ce moment. Suite à cette pluie, trois poteaux électriques sur la ligne qui alimente le chef-lieu de la province Mwaro sont tombés près de la zone Makamba en commune Rusaka, entraînant la coupure du courant électrique. Dans la matinée de ce samedi, toutes les activités nécessitant du courant électrique s'étaient arrêtées au chef-lieu de cette province de Mwaro. Et pour boucler cette édition avec une brève sportive, 18 voitures participent au rallye qui a débuté ce samedi pour prendre fin ce dimanche à Gitega. C'est le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, qui a présidé les cérémonies d'ouverture de ce rallye. Certains propriétaires d'hôtels ont vu la clientèle augmenter suite aux spectateurs venus de Bujumbura. Même situation pour certains bistrots situés tout au long des routes fréquentées par les pilotes de ces voitures. Les spectateurs se disent satisfaits de cette course et des Burundais sont parmi les compétiteurs, comme l'a indiqué l'organisateur de cette compétition, qui ajoute qu'il y a des Burundais qui participent dans des courses pareilles de voitures au niveau international. À 13h09, c'est par ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Albert Ndouaille pour sa collaboration technique. Mais avant de vous quitter, dans quelques instants, c'est la revue de la presse. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Le groupe de Presse Watch consacre son éditorial au cessez-le-feu récemment annoncé par les politiques pour mettre fin à l'intolérance et violence politique, en cessez-le-feu qui n'a pas fait long feu selon notre confrère. Il donne l'exemple de la violence politique à Mouimbi en province Bujumbura qui a fait une victime. Cette autre personne blessée avec plusieurs arrestations, cet hebdomadaire laisse entendre que les messages apaisants sortis par les leaders des partis politiques ne sont pas parvenus aux membres des partis CNDD-FDD SNL. L'éditorialiste note cependant de belles paroles prononcées qui avaient été saluées et applaudies des deux mains. Il se demande s'il s'agit du cessez-le-feu, effet d'annonce ou tout simplement de la poudre aux yeux. Avec toutes ces interrogations, il faut que les mêmes politiques mettent en place des mesures d'accompagnement, propose Iwachu. La riséraie de Gashikanwa, une innovation dans le secteur agricole, rapporte Burundi Echo. En effet, les riziculteurs de la commune Gashikanwa de la province Ngozi se sont associés aux vendeurs de riz pour promouvoir la riziculture. Ils ont mis en place une usine de valorisation du riz Padi. Après chaque récolte, précise ce journal, le riz est traité puis emballé dans des sacs avant d'être commercialisé sur le marché et la société a l'ambition d'étendre son marché d'écoulement vers d'autres provinces. Burundi Echo fait néanmoins remarquer que la riserie de Gashikanwa n'a pas pour le moment assez de clients permanents, mais garde l'espoir qu'avec la rentrée scolaire qui approche à grands pas, ils peuvent enregistrer beaucoup de commandes. Tout n'est pas rose dans cette société, note encore cet hebdomadaire, qui estime que le challenge est de promouvoir une seule variété pour maintenir la qualité du riz, étant donné que les riziculteurs cultivent plusieurs variétés de riz. Revue de la presse. Ministère de l'Éducation, un véritable bing-bang dans l'administration centrale, titre la voix de l'enseignant, pour qui on ne s'habitue pas avec la ministre Janvier Ndirahisha, qui vient de renouveler tout son personnel du cabinet au simple service de l'administration dite centrale. Certains services voient leur personnel partir tous vers de nouveaux services. Elle passe outre l'expérience, regrette cet hebdomadaire de l'éducation qui se demande ce que va faire un ingénieur agronome dans l'inspection de l'enseignement ou quelqu'un qui détient un master en journalisme dans la direction de l'enseignement technique alors qu'il y a une radio spécialisée dans l'éducation. Et surtout, les crocs en jambes ont pris le dessus dans cette nouvelle réaffectation, fait remarquer la voix de l'enseignant. Ce journal craint que l'administration centrale, en phase de déménagement vers la capitale politique Gitega, risque de ne pas honorer ses engagements envers les demandeurs de services car, explique-t-il, d'un côté, il y a les préparatifs à ce déménagement, de l'autre, les services ont de nouveaux conseillers qui doivent s'adapter aux nouveaux services et il reste le seul ministère où on ne peut pas compter sur l'expérience, écrit ce journal. Mais, espère l'auteur de cet article de La Voix de l'enseignant, l'histoire lui montrera que c'est une erreur commise. L'agence burundaise de presse publie en partie les résultats d'une étude commanditée par la coalition Bafashebige, Éducation pour tous, qui montre la place négligeable de l'éducation pour tous dans l'espace médiatique burundais. En effet, sur 1245 sujets qui ont été traités par 9 radios prises pour échantillon dans les journaux parlés au cours du troisième trimestre 2018, seuls 85 sujets en rapport avec l'éducation, soit 6,82% des thématiques exploitées, ont été traités. 7 journaux écrits sont dans presque les mêmes proportions. Une des entraves à l'émergence de la thématique de l'éducation pour tous dans l'espace médiatique burundais, c'est notamment le manque de sources d'informations autorisées dans le traitement de ces sujets, rapporte la BP. Le viol conjugal, un tabou méconnu qui hante les couples de Bujumbura, titre le collectif des blogueurs Yaga. Selon le centre Seruka cité par Yaga, rien que pour cette année en cours, parmi les 135 femmes accompagnées dans les couples, la plupart d'entre elles avouent être victimes de viol. Ce billet écrit que ce centre a répertorié 25 femmes consultées pour motif de viol conjugal les années 2017 et 2018. Béatrice Barandeleka, psychologue du centre Seruka, qui vient en aide aux victimes, nous révèle dans les colonnes de Yaga l'existence de viol entre les conjoints. Normalement, les époux sont présumés consentants à tout acte sexuel, mais l'un d'eux peut prouver qu'il a refusé sans toutefois pouvoir l'éviter, analyse-t-elle. Affirmant que plusieurs femmes boivent ce calice en silence, notre confrère note que la majorité préfère le dissimuler, expliquant que notre tradition l'exige bien. Selon lui, il faut plutôt se faire soigner au lieu de laisser une plaie qui finit par engendrer une grosse infection. Ainsi se referme cette revue de presse, préparée et présentée par Eline Bernibigira et Jean-Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.